surpris la souffrance avant d'ouvrir les yeux. Avant toi, j'ai pour toute famille que quelques pauvres filles, belles de nuit, de jour, qui sans joie m'ont appris bien des choses qu'au fond des maisons closes on croit être l'amour. Avant toi, avant toi, avant toi, avant toi. Avant toi, avant toi, avant toi, avant toi. De déboire en déboire, la route de la gloire fut un chemin de croix. Mille fois, j'ai entrevu le vide, mais tu restais mon guide et l'amour restait ma foi. Avant toi, mes amours éphémères, mille amours légionnaires sont devenus chansons. Avant toi, au sommet de la gloire, j'avais du mal à croire à l'amour éternel. Avant toi, avant toi, avant toi, avant toi. Avant toi, avant toi, avant toi, avant toi. De folie en folie, j'ai dépensé ma vie en aimant au pluriel. Avant toi, j'ai connu la violence jusqu'au jour où la chance simplement m'a trouvé. Avant toi, j'attendais avec fierté.